C'est parfois dur de dire des choses simples. Est-ce que tu me captes, est-ce que tu me ressens? Si tu vas voir ailleurs, va mieux que tu le fasses loin. Je t'avais dit d'être honnête, mais pas cette fois sinon. Je veux qu'on cascade sur le même tremplin. Sans toi c'est vide, il est bien trop plein. Les règles, je n'ai fait que les enfreindre. On se comporte encore comme des... Je veux parler de toi, mais je parle de nous. Est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que je te manque la nuit? Dis-moi, je deviens fou. Est-ce que dans ce tunnel, tu vois le bout? Parce que moi, pas du tout. Est-ce que je te manque la nuit? Dis-moi, je deviens fou. À deux, on devait former un tout. Maintenant, c'est moi seul tout. Mais dis-le-moi, s'il te plaît, si je deviens lourd. Je veux parler de toi, mais je parle de nous. J'attendais ta lumière, mais c'est l'obscurité qui se pointe au rendez-vous. Tu rentrais bourré, je te trouvais moche. Spectateur de ta débauche. Y'a plus que des souvenirs dans la tête qui a écoche. Je visais plus loin pour nous, j'entendais déjà le son des cloches. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais louche, hein? Envie de m'emporter avec toi sur un bateau de mouche, ah. T'es belle, hey. Le problème c'est que tu le sais. Ouais, ouais, je t'aime. Mais le problème c'est que tu le sais. Ouais, je veux plus voir les autres te donner tout ce succès. Hein, je veux que tu m'en laisses un peu pour moi, s'il te plaît. Je veux parler de toi, mais je parle de nous. Est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que je te manque la nuit? Dis-moi, je deviens fou. Est-ce que dans ce tunnel, tu vois le bout? Parce que moi, pas du tout. Est-ce que je te manque la nuit? Dis-moi, je deviens fou. À deux, on veut former un tout. Maintenant, c'est moi seul tout. Mais dis-le-moi, s'il te plaît, si je deviens lourd. Je veux parler de toi, mais je parle de nous. J'attendais ta lumière, mais c'est l'obscurité qui se pointe au rendez-vous.